Des ressources du type de ressources qu'on a ici, c'est des ressources qui ont pour objet de faire en sorte que la clientèle qui est susceptible d'intégrer la société, donc d'en faire une vie, si on veut, normale, jusqu'à un certain point de vue, avec un accordement qui est requis, dans ce sens-là, la ressource s'y répond très bien aux besoins de cette clientèle-là.